you got viral going. Passe au quartier, avec nous tu vas rigoler. Passe au quartier, les anciens font que picoler. Passe au quartier, les minots sont déterminés. Passe au quartier, j'distribue billets colorés. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. À la base, je rappe pas. Je voulais voir ce que ça fait. Dans le sac sans cas, je vais les distribuer. Je suis le numéro 10. Je viens du 66. Je veux pas la RS6, mais la 206. C'est moi, Nasda. Je prends toute ta place, je partage ton snap. Je te fais la passe. Maintenant t'es max, ensuite je me casse. C'est moi, Nasda. Je prends toute ta place, je partage ton snap. Je te fais la passe. Maintenant t'es max, ensuite je me casse. Passe au quartier, avec nous tu vas rigoler. Passe au quartier, les anciens font que picoler. Passe au quartier, les minots sont déterminés. Passe au quartier, distribue billets colorés. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. Je me prends beaucoup la tête sur mes placements. Comme influenceur, j'ai des produits. La vie de ma mère qui me verra en pavillon, j'ai la frappe à Francesco Totti. T'as pas vu la paire? Grâce à la moula, je l'ai pété. Cigare de Cohiba, chemise ouverte. Je suis venu les choquer tout comme Biggie. Tu sais qu'on aime la frime. Ramène-nous des tempêtes. Regarde pas mal ma team. Tu vas te faire chiffonner. Qu'est-ce qu'elle a ta copine? Elle fait que nous. Passe au quartier, avec nous tu vas rigoler. Passe au quartier, les anciens font que picoler. Passe au quartier, les minots sont déterminés. Passe au quartier, j'distribue billets colorés. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté. La chienté, c'est la danse de la chienté.